Nous écoutons Canal Sud, l'émission qui nuit au sens. Nuisance. Nous écoutons sur. Canal Sud, l'émission qui nuit au sens. Nuisance. Nous écoutons sur. Canal Sud, l'émission qui nuit au sens. Nuisance. Nous écoutons sur. Canal Sud, l'émission qui nuit au sens. Nuisance. Nous écoutons sur. Canal Sud, l'émission qui nuit au sens. Nuisance. Nous écoutons sur. Canal Sud, l'émission qui nuit au sens. Nuisance. Nous écoutons sur. Ordonnancement, le maître mot de nuisance. Ordonnancement, le maître mot de nuisance. Nous n'avons pas de problème avec ordonnancement de nuisance. Nous n'avons pas bien avec ordonnancement de nuisance. Et on est aussi le vendredi après 21h à 23h. On est aussi le vendredi après 21h à 23h. Entrez donc entre après 21h. Entrez donc d'entre la radio libre ou mourir. Entrez donc d'entre la radio libre ou mourir. Et mourir la radio libre ou mourir. Enfin et mourir la radio libre ou mourir. Enfin et mourir. La radio libre. Enfin. Nuisance, le vendredi, 21h-23h, sur Canal Sud, 92.2 FM, ou canalsud.net, Toulouse, France, téléphone le 05 61 53 36 95, le téléphone de Canal Sud le 05 61 53 36 95. It's all in the brain, you know, the brain. Brain matter. The brain, you know, the brain matters. Brain matter. The brain, you know, the brain matters. Brain matter. The brain, you know, the brain matters. Brain matter. The brain, you know, the brain matters. You know, the brain. The brain, you know, the brain matters. You know, the brain. The brain. The brain matters. the brain, the brain. You know the brain, the brain. You know the brain, the brain. C'est à propos de la matière grise. C'est à propos de la matière grise. Elle sent mauvais, mauvais. C'est à propos, mauvais. De la matière grise. Elle sent mauvais, mauvais. Mauvaise matière, mauvaise. Mauvaise, méchante. Mauvaise matière, méchante. Mauvaise, pas belle, méchante. Pas belle matière grise, méchante. Horrible matière grise. Pas belle matière grise, méchante. Horrible matière grise, méchante. Pas belle matière grise, méchante. Horrible matière grise, méchante. Pas belle matière grise, méchante. Horrible matière grise, méchante. Pas belle matière grise, méchante. Horrible matière grise. Et c'est tout à propos. Avez-vous vu la matière grise? Avez-vous vu la matière grise? Avez-vous vu la matière grise? Avez-vous vu la matière grise? Où est-elle? La matière grise. Où est-elle? La matière grise. Où est-elle? Est-elle là? La matière grise. Est-elle ici? Où est-elle ça? Là? La matière. Est-elle ça et là? Ici? Ça? Là? Là? Est-elle ça et là? Ici? Là, ici, ça, ici, là, là, ça, là, ici, la matière grise, là, ici, ça, ici, là, ça, là, là, la matière grise, là, ici, ça, ici, là, ça, là, là, la matière grise, là, ici, ça, ici, là, ça, là, la matière grise, là, ici, ça, ici, là, ça, là, la matière grise, là, ce n'est pas parce que, la matière grise, là, ce n'est pas parce que, la matière grise, là, ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce que. Le Cif Citron, c'est l'avenir. Achetez du Cif Citron. Le Cif Citron, c'est l'avenir. Parce que le Cif Citron, c'est trop bon. Le Cif Citron, ça se mange. Le Cif Citron, c'est trop bon. Si c'est vrai, ils le disent dans la pub. Alors faites tout ce que la pub vous dit. C'est mieux. Ils le disent dans la pub. Alors faites tout ce que la pub vous dit. C'est mieux. Le Cif Citron, c'est bon. Alors faites tout ce que la pub vous dit. C'est mieux. Le Cif Citron, c'est bon. Alors faites tout ce que la pub vous dit. C'est mieux. Le Cif Citron, c'est bon. C'est bon, bon. C'est mieux. Le Cif Citron, c'est bon, bon, bon. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, la mort, c'est pour toujours. mais c'est horrible ce que vous faites là, vous pouvez pas vous calmer un peu les gars ou les gens, je veux dire, c'est vraiment horrible, il faudrait vous calmer une bonne fois pour toutes. Si seulement vous creviez les gars, c'est vraiment de la merde, de la merde. C'est dégueulasse de dire des choses pareilles à cette heure. Non mais vous êtes fou quoi, monsieur? Oui, je suis fou. Complètement fou. Oui. D'abord. radio là, et la radio c'est Canal Sud. L'émission c'est Nuisance, Nuisance l'émission qui nuit au sens. L'adresse de la radio c'est 43 Alfred du Méril. Si vous voulez, quelque chose, vous voulez un canapé, un cuir, vous voulez des enceintes, vous voulez un casque ou un micro, allez-y, servez-vous, Canal Sud, c'est libre service. Oui, on peut tout prendre parce que vous savez quoi? Eh ben, parce qu'on est con, on est des enculés, alors on prend tout, on est de la merde, parce qu'on prend et on laisse pas aux autres qu'ils s'en servent, parce que nous, on veut tout pour nous et on veut rien partager, on est des raclures de bidets. Bienvenue. Ouais, c'est vrai, il faut que je mette de la crème parce que ma peau elle est sèche en ce moment et je trouve que c'est un peu dommage. Elle pourrait être plus humide. Voilà. Mais si je mets pas de la crème, évidemment elle va sécher ma peau, donc c'est un peu dommage. Oui, pour ma santé, c'est vraiment dommage et bête. Je dirais stupide, c'est complètement stupide. C'est stupide, t'entends? M'entends-je? C'est ce que je m'entends? C'est stupide, m'entends-je? Est-ce que vous m'entendez? C'est stupide. C'est idiot. Complètement idiot. On comprend rien. C'est idiot. Pas rien comprendre. C'est pas possible de comprendre quelque chose dans cette histoire. Cette histoire, elle est farfelue. Au moins farfelue. Sinon pire. Cette histoire, elle est farfelue. Au moins farfelue. Sinon pire. Cette histoire, elle est farfelue. Au moins farfelue. Sinon pire. Moins farfelue. Sinon pire. Moins farfelue. Sinon pire. Moins farfelue. Sinon pire. Moins farfelu, sinon pire. Moins farfelu, sinon pire. Moins farfelu, sinon pire. Moins farfelu, sinon pire. Moins farfelu, sinon pire. Moins farfelu, sinon pire. Moins farfelu, sinon pire. Vous avez bien compris? Pire. Vous avez bien compris? Pire. Vous avez bien compris? Pire, pire. Vous avez bien compris? Pire, pire. Vous avez bien compris? Pire, pire. Vous avez bien compris? Pire, pire. Vous avez bien compris? Pire, pire. Vous avez bien compris? Pire, pire. Vous avez bien compris? Pire, pire. Vous avez bien compris? Pire, pire. Nuisance? Pire. Nuisance? Pire. Nuisance? Pire. Nuisance? Pire. Nuisance? Pire. Nuisance? Pire. Nuisance? Pire. Nuisance? En. Pire. Nuisance? En. Pire. Nuisance? En. Pire. Nuisance? En. Nuisance en. Ra en. Nuisance en. Ra en.

Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? J'étais à Ibiza, c'était cool. J'étais à Ibiza, c'était cool. J'étais à Ibiza, c'était cool. J'étais à Ibiza, c'était cool. J'étais à Ibiza, c'était cool. J'étais à Ibiza, c'était cool. Bon ben on va peut-être faire quelque chose maintenant. Donc on va essayer de mettre quelque chose à la place de rien quoi. Quelque chose maintenant. On va essayer de mettre quelque chose à la place de rien quoi. Non, c'est pas vrai. Donc ça fait à peu près un quart d'heure qu'on entendait ce qu'on disait, ouais, je sais.

Bonsoir, vous écoutez Nuisance. Nuisance, c'est l'émission qu'il y a sur Canal Sud de 21h à 23h le vendredi. Le vendredi. Le vendredi. Le vendredi. Le vendredi. Le vendredi. Le vendredi. Le vendredi. Le vendredi. Le vendredi. Le vendredi. Le vendredi. Le vendredi. Le vendredi. Le vendredi. Le vendredi. Le vendredi. Le vendredi. Le vendredi. Le vendredi. Bienvenue donc en enfer, c'est Nuisance. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, Canal Sud 92.2 FM. Le téléphone c'est le 05 61 53 36 95, l'adresse le 40 rue Alfred Duméril 31 500 400 Toulouse. Merci, merci le souffleur. Et donc l'émission, donc, comme je disais, c'est Nuisance, avec ce soir un texte de Antonin Artaud, extrait de Pour en finir avec le jugement de Dieu. Donc c'est recherche de, je ne me souviens plus la fin de la phrase. Et donc on va en faire un extrait, quoi, voilà, ce qu'on disait, ouais. Donc voilà. La merde, ça sent l'être. L'homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale. Il a choisi de chier. Comme il aurait choisi de vivre, au lieu de consentir à vivre mort. De consentir à vivre mort, c'est que pour ne pas faire caca. Pour ne pas faire caca. Pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. C'est quelque chose. Et justement, le caca. Pour exister, il suffit de se laisser aller à être. Mais pour vivre, il faut quelqu'un. Il faut être quelqu'un. Pour être quelqu'un. Pour être quelqu'un. Il faut avoir un os. Pour être quelqu'un. Un os. Il faut avoir un os. Ne pas avoir peur de montrer l'os et de perdre la viande en passant. Peur de montrer l'os et de perdre la viande en passant, l'homme a toujours mieux aimé la viande que la terre des os. C'est qu'il n'y avait que de la terre et du bois d'os et qu'il lui a fallu gagner sa viande. Sa viande. Il n'y avait que du fer et du feu et pas de merde. Et l'homme a eu peur de perdre la merde, ou plutôt il a désiré la merde et pour cela sacrifié le sang. Sang. Pour avoir de la merde, c'est-à-dire de la viande. De la viande. Là où il n'y avait que du sang et du de la ferraille d'ossements. Et où il n'y avait pas à gagner d'être mais où il n'y avait qu'à perdre la vie, le caca. Là. Là, l'homme. S'est retiré. S'est retiré et il a fui. Alors les bêtes ont mangé. Ce ne fut pas un viol. Il s'est prêté à l'obscène repas. Il a trouvé du goût. Il a appris lui-même à faire la bête. Il a mangé le rat délicatement et... D'où vient cette abjection de saleté? De ce que le monde n'est pas encore constitué ou de ce que l'homme n'a qu'une petite idée du monde? Et qu'il veut éternellement la garder? Cela vient de ce que l'homme a un beau jour arrêté l'idée du monde. Deux routes s'offraient à lui, celle de l'infini dehors, celle de l'infini dedans. Et il a choisi l'infini dedans. L'infini dedans, là où il n'y a qu'à presser le rat. La langue. L'anus. L'anus. Et Dieu lui-même a pressé le mouvement. C'est le mouvement. Dieu est-il un être? S'il en est un, c'est de la merde. S'il en est un, c'est de la merde. S'il n'en est pas un, il n'est pas. S'il n'en est pas un,

tellement de temps. Le rat est pressé. Le rat, la langue, l'anus, le gland. Et Dieu, Dieu, représentation la plus parfaite, marche incalculable, de groupe, de morpion. Monsieur Artaud, et la messe? Et la messe? Et la messe? Je renie le baptême et la messe. Il n'y a pas d'acte humain qui, sur le plan érotique interne, soit pernicieux que la descente du soi-disant Jésus-Christ sur les autels. On ne croira pas. Et je vois d'ici le haussement des épaules du public. Mais le nom est Christ! N'est autre que celui qui, en face du morpion, Dieu a consenti à vivre sans corps. Lorsqu'une armée d'hommes descendue d'une croix où Dieu l'avait depuis longtemps cloué, s'est révoltée, débordée de fer, de sang, de feu, d'ossements, avance. Effectivement, l'invisible, afin d'y finir le jugement de Dieu. Antonin Artaud, la recherche de la fécalité extrait pour en finir. avec le jugement du Dieu, eu par certains et d'autres. Merci à eux et à elles. Thank you.

pour illustrer ses propos stressants. Pour illustrer ses propos stressants. Pour illustrer ses propos stressants. Vous avez bien entendu. Thank you. extrait de Pour en finir avec le jugement de Dieu d'Antonin Artaud, 1948. Vous avez entendu des extraits de Electro Start No Disco Noise Mixer. Également RHL qui est passé à nous faire une petite lecture. Et moi-même. Et Radio Paradis remercie Canal Sud. Et Canal Sud remercie Radio Parasite. Et Radio Parasite remercie Canal Sud. Vendredi 17 février 2017. Et Radio Parasite remercie Canal Sud. 17. 17. 2. 2017. Vous êtes les malvenus. C'est Canal Sud. La nuisance. Pendant qu'on embauche dans les boîtes à bâtons, les fabriques à matraques et les usines à flingues, on licencie dans les usines à chansons, dans les boîtes à musique, dans les fabriques à bringues. Tant que seront rentables les boîtes à portables, les fabriques à 4x4 et les usines high-tech, on licenciera dans les boîtes à cartables, dans les usines à billes, dans les bibliothèques. Trop de gang-bang, trop de bling-bling, trop de mini-stars dans les ministères, trop de chefs de gang qui portent le costard. Trop de gang-bang, trop de bling-bling, trop de pop-stars qui s'affichent en poster. Trop de chefs de gare qui portent le smoking. Pendant qu'on engraisse les fabriques à goudron, les usines à défonce et les boîtes à fumeurs, on licencie dans les boîtes à bonbons, dans les usines à fruits, dans les fabriques à fleurs. Tant qu'on recrutera dans les boîtes à croupions, dans les fabriques à fric, les usines où tu crèves, on fermera les portes dans les boîtes à savon, dans les fabriques à songes, dans les usines à rêves. Trop de gang-bang, trop de bling-bling, trop de mini-stars dans les ministères, trop de chefs de gang qui portent le costard. Trop de gang-bang, trop de bling-bling, trop de pop-stars qui s'affichent en poster. Trop de chefs de gare qui portent le smoking. Bling bling, trop de mini-stars dans les ministères, trop sur Canal Sud 92.2, c'est Jazz to Jazz. Et c'est parti. Souvent, j'oublie d'être libre. Et ce n'est pas une question de mémoire. J'adore ce que fait Fabien Hiver et j'aime le personnage. De cette déclaration d'amour, vous n'avez pas grand-chose à faire. Mais je vous engage à aller voir l'installation consacrée à Fabien Hiver, proposée par la médiathèque Cavalis. C'est tout le mois de février, puis une partie du mois de mars, je crois. En tout cas, bon, vous pouvez encore y aller. Et je vous renvoie aussi à une émission « Famille, je vous ai » que j'ai consacrée à un autre texte de Fabien Hiver, « Papa à part, maman, main, mémé meurt ». Et je vous engage aussi à visiter son site Fabien Hiver et à lire ses petits livres, et notamment ceux édités par la ville brune, les petits livres. Et dernier engagement, d'aller voir du côté du magazine de Canal Sud, il y a une interview de Fabien Hiver qui lui a été consacrée durant sa résidence à la CAF Poésie cet hiver. Voilà, tous ces liens sur Fabien Hiver seront posés sur la page de cette émission. Souvent, j'oublie d'être libre. Alors vous pouvez retrouver aussi Fabien Hiver sur les stations de bus. Il y a quelques phrases qui effectivement vous feront penser que ce n'est pas de la publicité. Par exemple, souvent j'oublie d'être libre et ce n'est pas une question de mémoire, etc., etc. Je ne les ai pas tout en tête. À vous de vous balader en ville. Ça vaut toujours le coup de se balader en ville. Au moins, on la rend présente par nos pas et par notre présence. Ne jamais oublier d'être présent dans la vie. De tous ces engagements, vous ferez ce que bon vous semble, mais vous manqueriez quelque chose à ne pas y souscrire ou à ne pas souscrire à quelques-uns d'entre eux. Donc, une émission musicale autour des mots de Fabien Hiver. Peut-être pas autour, mais un prétexte qui serait le mien, ou un contexte, ou tiens, pour être à la mode, un hypertexte. En tout cas, une émission avec des mots et de la musique. En fait, comme d'habitude. Fabien Hiver, faire un carton. Les pensées déménagent sans besoin de préavis. Faire un carton de tout ce qui coince la tête. Ne pas compter les heures et les heures. Faire un carton. Et bien entendu, le plus simple pour faire un carton, c'est carton, un drame musical instantané. Et c'est comme ça que l'émission commence, quant à savoir où elle va. côté du pont. Les fantômes vinrent à leur rencontre.